fétiche est sorti de sa case. C'est la transe. Voilà que commence l'errance. Ils vont bientôt aller cueillir l'élixir. Le chien d'or qui pousse dans les coins, c'est l'heure de grimper aux cimes ensoleillées pour collecter le miel empoisonné. Ils ont s'enivré, se transformer en songe de grande libellule argentée. Thank you.